Vous êtes à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89,1. Et pour ouvrir l'émission, nous allons découvrir un projet de recherche qui se déroule dans un laboratoire tout près de chez vous, ici en Basse-Ville, au Centre Haute-Terre Environnement de l'INRS, l'Institut National de la Recherche Scientifique. Ce projet consiste à utiliser des résidus d'amiante pour capter le CO2 qui sort des usines. Et pour nous en parler, rien de tel que d'inviter les principaux intéressés de ce projet. Donc, j'accueille Emmanuel Secchi et Louis-César Pasquier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc, vous avez bien dit ça en écran, c'est parfait. On travaille ensemble, ça se voit. Oui, c'est ça. Donc, justement, en parlant de cette équipe, je vais vous demander de me la décrire un petit peu, avec qui vous travaillez, quel est le domaine de recherche en général. Donc, on va commencer par se présenter nous-mêmes. Donc, je suis César Pasquier, je suis un étudiant qui vient de la France, comme de nombreux étudiants à l'INRS. J'ai eu un background de chimie, donc j'ai commencé par des études de chimie. J'ai commencé ensuite par me spécialiser dans le traitement des sols et de l'eau pour arriver à l'INRS et travailler sur un projet de recherche avec les biscuits Leclerc. Puis c'était un long, les biscuits Leclerc. Ouais, c'était long. Et donc du coup, ça a amené à une maîtrise donc avec le professeur Mercier. Durant laquelle j'ai pu étudier les émissions de gaz à effet de serre qui s'émanent lors de l'entreposage de sous-produits de lisier de porc. Donc, un domaine complètement différent de ce que je fais aujourd'hui. Donc, maintenant, depuis septembre maintenant, je fais mon doctorat donc, sur le projet en question. Mais il y a quand même une continuité, si je comprends bien, sur les émissions de CO2. Oui, c'est, en tout cas, les gaz à effet de serre en général. Les gaz à effet de serre. Oui, une problématique que j'ai pu... j'ai commencé à être intéressé par ça assez au début de mes études, on va dire, parce que ça commençait à devenir un peu émergent. Et puis, c'est sûr que durant la maîtrise, j'ai d'autant plus persévéré sur la problématique des gaz à effet de serre. C'est pour ça que ça m'a tout de suite intéressé que pouvoir travailler et continuer dans cette voie-là. Bien. Emmanuel, moi aussi, française, venue s'installer au Canada. J'ai fait en fait mon doctorat avec le professeur Guy Mercier. On a commencé à travailler en fait sur la serpentine, c'est le minéral qu'on utilise pour fixer le CO2 dans ce projet. Donc ça, la serpentine, ça a quelque chose à voir avec l'amiante ? Ouais, en fait, la serpentine, c'est la roche qui contient l'amiante. D'accord. Mais on a commencé à travailler avec ça. Guy avait déjà une idée de travailler avec les CO2, mais à l'époque, ce n'était pas fait de suite. Ma formation, c'est géologue. Et puis, pendant mon doctorat, j'ai fait de la chimie, justement, pour tout ce qui est procédé chimique. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est aussi une continuation, en fait, de ce travail qu'on avait... avec l'amiante et puis dans les procédés chimiques. Donc là, vous m'avez parlé tous les deux d'un professeur Guy Mercier qui, j'imagine, dirige une certaine équipe. Peut-être que vous pouvez me citer quelques exemples de projets qui se déroulent au sein de cette équipe-là. Oui, donc on fait partie donc de l'équipe d'assainissement et de décontamination environnementale à l'INRS-ETE. Cette équipe est constituée de 18 étudiants qui travaillent actuellement et d'associés de recherche. Donc, ça fait au moins 25 personnes qui travaillent autour de deux professeurs de recherche. Donc, Jean-François Blais, qui est donc le premier professeur qui est, lui, spécialiste, en tout cas, entre autres, en hydrométallurgie environnementale. Il fait aussi des travaux sur la décontamination et la valorisation des biomasses et des résidus industriels et toute une gamme sur l'assainissement, que ce soit domestique, municipal et industriel. Le deuxième professeur, Guy Mercier, lui, travaille plus dans la décontamination et la valorisation des sols et des résidus, donc les boues d'épuration, les lisiers, les cendres ou les résidus miniers pour notre projet à nous, et puis également aussi de l'assainissement en milieu agricole, municipal et industriel. Donc c'est vraiment plusieurs avenues, projets, mais qui ont tout en commun de décontaminer donc des sols, des déchets, des boues d'épuration. Le groupe de recherche est vraiment axé sur tout ce qui est décontamination, revalorisation, justement. Ouais. Et puis là, je trouve intéressant, donc Emmanuel, vous avez une formation en géologie, Louis en chimie, puis finalement, c'est un peu la combinaison des deux, l'utilisation de la chimie et puis la connaissance du sol aussi, peut-être, ou des minéraux là pour... En fait, c'est ça qui est intéressant avec à l'INRS en général, puis avec l'équipe de Jean-François Blais et Guy Mercier, c'est que ce sont des approches souvent qui sont multidisciplinaires. Le plus de disciplines on a, que ce soit la chimie ou de la biogéochimie ou de la géologie, plus on va pouvoir, en fait, mixer toutes ces connaissances et on va pouvoir avancer. Mm-hmm. On ne va pas avoir un point de vue fermé, on va mm-hmm. pouvoir envisager plusieurs avenues. Maintenant, on va en venir à votre projet à vous, qui est quand même un peu, qui est quand même intriguant quand on l'écoute, hein, parce qu'il s'agit de capter du CO2 avec des résidus d'amiante. Donc, a priori, c'est deux choses qui sont assez éloignées l'une de l'autre. Ça fait de la chimie. Ouais, c'est ça. Il faut nous expliquer cette chimie. Comment ça se passe? Ben, en fait, ça a l'air un petit peu bizarre. On prend un gaz qu'on met en contact avec une roche, mm-hmm. mais... ce qui s'est passé, c'est qu'on a, à l'heure actuelle, le problème des gaz à effet de serre, qui est finalement international, mm-hmm. à l'échelle mondiale. Et puis, on a observé au Québec, on sait que dans la région de l'amiante, on a tous ces gros... des petites montagnes. Des petites montagnes, exactement. Et une des observations qui a été faite, que ce soit par les gens qui habitent à Tetford Mines et par l'Université Laval aussi, c'est que... une croûte s'est formée au-dessus, en fait, de ces terrils. Et par analyse, on s'est rendu compte que c'était des carbonates. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est un carbonate? En fait, c'est le CO2 qui se fixe sur un élément porteur. Donc, par exemple, pour les résidus d'amiante, c'est le magnésium. Mm-hmm. Et ça peut être la calcite, le calcaire, tout le monde connaît ça. Ouais. Ça, c'est un carbonate aussi. Mm-hmm. Donc, ça se passe naturellement. Ça veut dire que sur cette petite montagne, ces résidus-là, ils se forment naturellement comme ça, une croûte qui sont en fait des carbonates, et ces carbonates résultent, sont eux-mêmes un processus naturel de fixation du CO2. C'est ça. Mm. Est-ce que c'est dû au fait que les résidus sont alcalins, puis le CO2 est légèrement acide, qui fait que ça se lie ensemble? Disons que alcalin... mettons, légèrement alcalin. C'est parce que le magnésium, pour rentrer dans les mots scientifiques, c'est un cation divalent. Oui, c'est ça. C'est Mg2+, exactement. Et CO2, en fait, est légèrement électronégatif. Et il a une tendance à se fixer. Donc, ça va être Mg2+, Ca2+, Fe2+. D'accord. C'est vraiment exactement ça. C'est vraiment relié. Disons que c'était peut-être une parenthèse pour les spécialistes. On va voir de façon plus générale. Donc là, il y a eu cette observation de fait que ces montagnes de résidus pouvaient fixer les CO2. Et ensuite, comment on fait pour mettre ça en application? Non, en fait, ça, c'était un problème. Disons que la carbonatation minérale, c'est le nom qu'on a donné à ce procédé, c'est quelque chose qui a été pas mal recherché, que ce soit les Américains ont regardé, les Européens, parce que ça a été observé quand même ailleurs qu'ici. Et la manière dont nous, ce qu'on aimerait faire, c'est un procédé, parce que d'un point de vue naturel, c'est quand même, ça prend du temps, c'est sûr. Donc, essentiellement, on prend un gaz qui est riche en CO2 mm-hmm. dans un réacteur. Donc, je parle d'un procédé vraiment à ce que nous comptons faire, donc peut-être ce que nous espérons industriel plus mm-hmm. tard. C'est, on met en contact le gaz donc, riche en CO2 avec les résidus. Donc, ça peut être dans un milieu aqueux, c'est comme le projet sur lequel travaille Louis, ou dans un milieu à sec. Mm-hmm. Donc là, ensuite, ça demande certaines températures, la pression de gaz, peut-être rajouter des additifs. Mm-hmm. Parce que naturellement, ça s'est fait à sec, là. Non, sur les terrils. Il pleut, non? Ah oui, c'est pas complètement immergé. Immergé, c'est ça. C'est encore en charge, l'Université de Laval travaille là-dessus, justement, pour comprendre... Le bon environnement. Là, mais idéalement, de toute façon, ce n'est pas de faire cette carbonatation sur les terrils lui-même, c'est plutôt... Et je ne sais pas si c'est vraiment les terrils proches des industries, comment on va faire? En fait, ça, c'est une des choses qu'on va devoir établir, mais c'est sûr que, par exemple, un des problèmes que... Je sais pas si c'est très cohérent, mon explication, mais essentiellement, un des problèmes que les Américains avaient rencontrés, c'est que, justement, ils devaient apporter... le matériel, eux, c'était pas forcément des résidus d'amiante, ils voulaient plus utiliser un autre type de roche, mm-hmm. le champ magnésium aussi, mais il fallait qu'ils l'apportent, il fallait qu'ils l'extraient. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc c'est très cher. Il faut créer une mine, il faut extraire le matériel. Et ça génère du CO2 aussi. Là, l'avantage, c'est qu'on a le résidu qui est là, qui est déjà broyé. Personne ne l'utilise vraiment. Ouais. On essaie, il y a beaucoup justement, à Tetford Mines, ils essayent de le revaloriser, mais pour le moment, ils sont encore là. Il y a 2 milliards de tonnes de résidus quand même. Hein. Ah oui. Ça fait beaucoup. Ça fait de la matière première, ça fait du CO2, ça. Et on n'en manque pas. C'est ça, on n'en manque pas vraiment. Donc, on n'a pas besoin de l'exploiter, on n'a pas besoin de créer une carrière. Donc, tout le problème du, justement, recréer une mine, on ne l'a pas. Donc, déjà, oui, il va falloir sans doute qu'on l'apporte. Ces résidus à l'usine, parce que le but du procédé, c'est justement de permettre d'avoir un gaz d'usine, un gaz de sortie d'usine, ouais, qui va être moins riche en CO2, ou vraiment où l'on aura absorbé tout le CO2. D'accord. Donc oui, il faut apporter le... Et si je peux me permettre, un des avantages aussi de Thetford Mine, c'est que la situation géographique fait que Thetford Mine se situe à moins de 300 km des plus gros cœurs industriels québécois, que ce soit Montréal, Trois-Rivières ou Québec. Donc déjà, avec ça, on part aussi avec un avantage par rapport au transport. Oui, parce que même le transport lui-même ne sera pas trop coûteux en énergie ou en dégagement de CO2 de lui-même. C'est ça. Le coût de transport est bien souvent le coût le plus important dans les procédures. Donc là, ça veut dire on envoie le CO2. Bon, il y a les papiers qui passent. On a fait. Je les entends un petit peu. Donc, on convoie le CO2 dans les usines qui émettent, on convoie les résidus d'amiante dans les usines qui émettent du CO2. On parle de quel type d'usine? En fait, déjà un peu pour situer la situation au niveau des gaz à effet de serre au Québec, il faut savoir que le Québec est une des provinces du Canada qui émet le moins de CO2 du fait que l'énergie est essentiellement hydroélectrique. Donc au Québec, on a 82,7 mégatonnes d'équivalent CO2 qui ont été émis en 2008. Et dans ces émissions-là, il y a 79,8% qui sont du CO2. Donc le CO2 est vraiment le gaz à effet de serre le plus émis à l'échelle du Québec. Au niveau de l'industrie, c'est quasiment 30% des émissions du Québec. C'est en dessous du, je pense que c'est le transport qui est le plus gros émetteur. Ouais. Dans cette industrie-là, on a 1,9 mégatonnes d'équivalent CO2 qui sont émis, entre autres par les cimenteries et la production de ciment et de chaux. Mmh. C'est une hausse assez importante, aux alentours de 15%, qui est en fait liée à l'augmentation de l'activité de ces industries-là. Mmh. En général, l'industrie au Québec a quand même des émissions qui sont en réduction, puisque les procédés évoluent et il y a quand même de la recherche qui se fait déjà. Mais c'est vrai que le problème de la chaux et du ciment, c'est que le procédé émet du CO2. Et il y a en plus la combustion qui émet du CO2. Donc, en final, on retrouve à la sortie de la cheminée un gaz assez chargé en CO2. On parle aux alentours de 20% de CO2. Ah ouais. Donc, après, nous, notre objectif est de travailler à la différence des projets qui ont pu déjà être faits. C'est de travailler avec un gaz qui n'est pas concentré en CO2. C'est-à-dire qu'on veut travailler avec les pourcentages de CO2 qui sont déjà présents à la sortie de la cheminée. D'accord. Donc, on veut s'éviter le coût, on va dire, énergétique, que de prendre ce CO2 et le concentrer pour ensuite le traiter. Mmh. Donc là, maintenant, si je comprends bien, on prend ces résidus, on les emmène à la cimenterie. Dans une cimenterie, par exemple. Dans une cimenterie, et donc c'est pas un procédé qui va être fixé sur le pot d'échappement des voitures. Non, c'est vraiment pour les industries, d'accord, les gros émetteurs. Les gros émetteurs, Donc ça, on voit le principe un petit peu dans le futur, là, on envoie les résidus à la cimenterie. J'imagine que pour l'instant, c'est de la mise au point, donc vous êtes au laboratoire, les expériences se passent au laboratoire, comment vous faites ça? Pour le moment, on n'a malheureusement pas commencé nos expériences, on est toujours en attente un peu d'équipement, là. C'est quand même une réaction à haute température et haute pression, donc c'est quand même du matériel de pointe dont on a besoin et dont on doit disposer. Mm-hmm. Donc on est toujours en mise en place de notre montage réactionnel, mais c'est sûr que dès qu'on aura fini tout ça, on va commencer nos essais pour justement déterminer la meilleure recette pour avoir au final la meilleure carbonatation du CO2 dans des conditions les moins énergivores pour justement s'enlever cette épine du pied qui est de chauffer et mettre sous pression, ça produit toujours du CO2. Mm-hmm. Donc c'est toujours cet objectif-là qui va être... Donc ça veut dire que vous allez avoir au laboratoire un genre de réacteur dans lequel vous avez un beau réacteur, donc dans lequel vous allez mélanger les résidus, un mélange gazeux qui correspond à ce que vous avez à la sortie d'usine, donc avec 20% de CO2, d'après ce que vous venez de dire. On a demandé un petit peu, on a regardé les chiffres justement pour les différentes industries, puis on a demandé un mélange de gaz. Ça se fait, on peut demander justement aux fournisseurs de gaz. On a demandé un mélange spécifique, voyons. Et puis ensuite, c'est ça, on va pouvoir le mettre sous pression. Donc, on a besoin d'un réacteur assez résistant, on monte à des pressions assez importantes. Mm-hmm. Est-ce que vous devez broyer les résidus d'amiante pour augmenter la surface de contact ou, Oui et non. Oui et non. Dans le sens où, justement, un des avantages des résidus qu'on a, c'est qu'une grande partie les résidus sont déjà quand même broyés. Okay. Il y a quand même, à l'heure actuelle, pour nos essais à nous, on doit enlever une partie parce que c'est plus gros qu'un millimètre et que notre réacteur est quand même petit pour le moment. Quand je dis petit, c'est quand même, c'est pas un gramme. On est capable de travailler avec 20 grammes, 30 grammes, c'est pas des minuscules quand même. Mm-hmm. C'est sûr, c'est pas encore à l'échelle pilote, mais ça nous permet un petit peu mieux de voir comment ça réagit. Mais pour le moment, on travaille avec le résidu tel quel. Quand je dis tel quel, c'est sûr, on a enlevé les gros morceaux, mais on a juste tamisé les gros morceaux, puis on travaille avec les autres. Donc ça va être des grains qui vont être, c'est sûr qu'un millimètre, les gens vont dire, bah, là c'est petit, mais c'est parce qu'on l'a, c'est naturel. Ouais, c'est après, ça sort de l'usine. C'est, d'ailleurs, on est allé à l'usine, ils ont été très gentils, ils nous ont fourni leur échantillon, et ça sort directement de l'usine. Mm-hmm. Et c'est donc qu'on travaille avec ça. Et ensuite, donc, ces résidus d'amiante qui sont carbonatés, on en fait quoi? Ben ça, c'est justement ce qu'on aimerait faire, et c'est une des choses sur lesquelles on va travailler, c'est on va estimer en fait la valeur des sous-produits. Donc, on va produire du carbonate de magnésium, et on va aussi sans doute produire des concentrés de fer, parce que une des composantes importantes des résidus d'amiante, c'est la magnétite, qui est un minerai de fer. Donc en séparant, par exemple en première partie, un des étudiants travaille là-dessus, en séparant la magnétite, on va faire un composé, et puis d'un point de vue industriel, c'est toujours intéressant. Mm-hmm. C'est une chose qu'on peut valoriser. Le carbonate, on peut le valoriser aussi. On peut, Le carbonate de magnésium, d'accord. On peut essayer de voir. Ben, je sais par exemple qu'on peut l'utiliser, il peut être transformé pour donner des briques réfractaires. On peut l'utiliser aussi peut-être, pourquoi pas, en cimenterie. Mm-hmm. Le but, c'est de valoriser et aussi d'éviter d'avoir à utiliser d'autres carbonates. Mm-hmm. Si on est capable d'utiliser un carbonate qu'on produit avec un CO2 qu'on a émis, la plupart des carbonates que les gens utilisent sont des carbonates qui ont été faits avec du CO2 qui est fixé depuis des millions d'années. On est en train de relâcher dans l'atmosphère du CO2 qui n'était pas là. Si on est capable d'utiliser un carbonate qu'on a finalement fabriqué avec du CO2 actuel, on ne va rien relâcher dans l'atmosphère. Ouais. Donc nous, c'est au final de le valoriser d'une manière à ce qu'on arrête de prendre du CO2 qui est déjà fixé. Donc, ça veut dire qu'on valorise, on transforme grossièrement, là, on transforme les résidus en carbonate ou d'autres produits qui ont une valeur dans l'industrie. C'est ça, exactement. Même avoir de la silice, qu'on peut être capable de produire ça, puis ça en informatique, en techno. Voyons. Dans les technologies. En technologie, c'est ça que j'ai cherché. Donc, ça, c'est assez utile. Donc tous ces sous-produits ont une valeur, et si on est capable, justement, à la fin du procédé, de voir que nos produits ont une valeur importante, on va pouvoir, justement, faire que ce procédé, finalement, coûte moins cher. Et si je comprends bien, en fait, le CO2 est vraiment fixé de façon stable sur les carbonates, parce que je sais qu'il y avait CO2 solution aussi qui voulait fixer le CO2 de l'air, mais en bicarbonate. Mais le bicarbonate, ils sont tous très solubles, il suffit un petit peu de pluie acide pour que ça se régénère en CO2, en fait, alors que sous forme de carbonate de calcium, j'imagine que c'est assez stable. Ben, le carbonate de calcium et le carbonate de magnésium, c'est assez stable, dans le sens où, ben, par exemple, tout ce qui est calcaire, ça fond assez lentement. Pour créer une grotte, c'est plusieurs millions d'années. Le carbonate de magnésium est aussi stable. Donc, c'est une des choses, justement, qui est intéressante. C'est que si vraiment on a trop grosse quantité de carbonate, par exemple, si le procédé fonctionne dans une grosse quantité, si à la fin, on est obligé de l'enterrer, de le remettre à la place des résidus, c'est pas un produit dangereux. Ce qui pourrait arriver, c'est que ça neutraliserait l'acidité du sol, donc on pourrait même l'utiliser là-dedans. C'est vraiment finalement ça fait d'une pierre deux coups, parce qu'on réduit le CO2 à les émissions de CO2 ou autres gaz à effet de serre à la sortie de la cimenterie, et on valorise un résidu d'amiante tant que les petites montagnes de performance vont exister. Mais je pense qu'avant qu'on ait tout carbonaté tout seul, a le temps. Mais j'ai de la misère à imaginer, moi, un réacteur qui serait capable de prendre le souffle qui sort d'une cheminée, par exemple, comme de la papetière ici, tout près dans Limoilou, parce qu'écoutez, c'est pas un mètre cube est-ce qu'il va y avoir un projet à très grande échelle qui va pouvoir permettre de traiter tout ce volume-là? Justement, pour le moment, le problème, c'est qu'il nous faut déjà améliorer donc les différents paramètres de la réaction. Et une fois que ce sera fait, on va faire un projet pilote qui va justement permettre de voir quel est le flux de gaz qu'on peut faire rentrer, la vitesse à laquelle ça passe. Dans les conditions optimales. Oui, les conditions optimales, mais surtout dans les conditions optimales d'une usine. Parce que c'est bien beau de faire de la science, mais il faut aussi que ce soit applicable. Ouais. C'est ça l'avantage. Oui. Mais bon, c'est ça. Notre but, en tout cas, c'est d'arriver à tout ça. Mais avant cela, il va vraiment falloir passer du temps, en tout cas sur les échelles, à l'échelle laboratoire, comme on dit, avant de passer à l'échelle pilote. Et je sais par expérience que ce n'est pas parce que ça marche en laboratoire que ça va marcher à l'échelle pilote. Et puis, c'est vrai que un des gros enjeux qu'on va avoir aussi, c'est que si jamais on passe à l'échelle pilote pour après offrir à l'industrie éventuellement une technologie, c'est que toutes ces choses-là vont nous demander de l'argent. En tout cas, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a, pour l'instant, on est quand même soutenu par le gouvernement du Québec, là, c'est ça, oui. Donc, on touche des fonds du Québec. Donc, c'est vrai que le Québec croit un peu en nous, entre guillemets, là, mais on espère, en tout cas. Peut-être que l'industrie va. Non, c'est ça. On espère que l'industrie embarquera avec nous. Et surtout au final, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour pouvoir leur proposer un procédé qui leur permette de réduire leur gaz sans pour autant avoir un gros coût. Ouais. Et comment on se positionne? D'abord, est-ce qu'il y a des procédés équivalents qui existent déjà dans l'industrie ou... À l'heure actuelle, des procédés appliqués, comme je dis, les Américains ont travaillé dessus, les Européens ont travaillé dessus, les Français, les Suédois, mais c'est resté à des niveaux de test où c'est encore sous forme de test. Les Américains, justement, avaient le problème qu'ils n'avaient pas de mine. Ouais. Donc, ils devaient extraire, ça leur coûtait assez cher. Puis, il y a aussi le problème que la manière dont ils ont pensé l'expérience, c'était très théorique. Mm-hmm. On travaillait avec 100% de CO2, mais ce qui n'est pas ce qu'on retrouve à la sortie du vent. Et puis, leur manière de penser, c'était qu'ils voulaient absolument produire du carbonate sans se poser la question, justement, de l'extraction du CO2. Donc, tout ça a fait qu'ils ont fini par un procédé. Ils ont dit, c'est trop cher, on ne le fera pas. Mm. Comme nous, on a déjà, un merveilleux matériel qui sont les résidus d'amiante qui nous attendent. C'est quand même une grosse épine. Gratuit, j'imagine, aussi. Gratuit, oui, c'est sûr. Il va falloir aller le chercher, quand même. Je pense que la ville vous les donne, probablement. Disons que c'est sûr que, pour le moment, quand on demande, ils aimeraient bien qu'on fasse quelque chose avec. C'est Je pense qu'à l'INRS, c'est quand même une bonne expertise pour mettre ce projet-là de l'avant. Ce n'est pas la première fois qu'il y aura non plus du transfert technologique vers les industries aussi, qui sortira de l'INRS. C'est ça, justement, c'est une des choses que fait l'INRS, c'est que, justement, c'est le centre a l'habitude, justement, de passer du procédé à l'application industrielle. L'équipe de Guy Mercier et Jean-François a cette habitude aussi, justement. Et puis, dans les autres choses, par exemple, le professeur Sandrin Kentish, qui est notre associé en Australie, travaille aussi sur les gaz à effet de serre. Mm-hmm. Puis, elle a une expertise là-dedans, dans ce genre de procédé d'extraction. Donc, on a justement fait une équipe. On travaille dans un centre qui permet l'application de procédés, justement, ensuite, plus tard, à l'échelle industrielle, dans une équipe qui a aussi cette expertise. Donc là, on en est un peu au début du projet. Peut-être qu'on va avoir la chance de s'en reparler dans les prochaines années, peut-être, pour faire un suivi donc, de ce projet qui va faire d'une pierre deux coups, comme je disais, valoriser les résidus d'amiante et contribuer à diminuer les émissions de CO2 du Québec et des autres gaz à effet de serre, probablement aussi. On va conquérir le monde. Merci beaucoup, Emmanuel Secchi et Louis César Pasquier, donc du laboratoire du Centre Environnement ETE, Environnement de l'INRS. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.